Port-Royal. Action dramatique par Henri de Monterland. La scène se passe au monastère de Port-Royal du Saint-Sacrement, dans un des parloirs de la maison de Paris, faubourg Saint-Jacques, en août 1664. Le décor est d'une extrême simplicité. Côté droit, porte donnant sur la clôture, l'intérieur du monastère. Côté gauche, rapproché de la rampe, la grille du parloir. Au-delà, une fenêtre. Au-delà encore, une porte assez grande, donnant par un perron sur la cour extérieure. Au fond, vers la gauche, un petit oratoire. Vers la droite, une porte assez grande, donnant sur la chapelle. Mur jaune-gris clair. Ici et là, des chaises au siège de paille. Par la fenêtre ouverte, le soleil entre violemment dans la pièce. La sœur Gabrielle, voilée, debout contre la grille du parloir dont le rideau est ouvert, parle à un visiteur qui est de l'autre côté de la grille. À côté d'elle, à sa main gauche, se tient une sœur, la tierce, qu'on ne voit que du dos. Elle aussi est voilée, mais même lorsqu'elle se dévoilera, à aucun moment on ne pourra voir son visage. Elle se tiendra tantôt de dos, tantôt de biais. Et oui, il y a Dieu, mais il y a vos parents aussi, malgré tout, mon enfant. Ne vous laissez pas prendre à la doctrine farouche qu'une fois franchi cette grille, vos parents ont cessé d'être pour vous. Votre mère et moi, nous ne sommes plus jeunes. À défaut de l'affection que vous ne nous donnez pas, vous pourriez nous donner du repos. Or, notre vie est corrompue par le fait que vous êtes à Port-Royal. Du moins, contribuez dans votre personne, nous vous en prions, à ce que votre couvent ne soit plus un couvent rebelle, un lieu maudit et qui rend maudit tout ce qui le touche. Un lieu béni et qui rend béni tout ce qui le touche. L'Assemblée des évêques, à la suite des dûles de deux papes, décrète un formulaire que chaque personne ecclésiastique doit signer, par lequel elle se soumet à toute décision du Saint-Siège. Convenez qu'un archevêque de Paris est dans son rôle en exigeant que vous, religieuse de Port-Royal, vous signiez ce formulaire. Il y aurait beaucoup à dire, mon père, et plus que je n'en puis dire ici. Parlez plus haut. Monsieur l'archevêque n'a-t-il donc pas raison? Non, non, mon père, il n'a pas raison. Enfin, il a raison dans une certaine mesure. Expliquez-vous. Je suis venu en religion pour garder le silence avec le monde, non pour l'instruire. Insolente ! Est-ce à votre père que vous parlez ? Et votre père est-il pour vous le monde ? Oh, je devine que derrière votre voile, vous avez dû prendre cette bouche pincée et ces yeux durs qu'on voit après quelque temps lorsqu'un hasard les dévoile à celles qui sont entrées ici. Eh bien, c'est donc moi qui m'expliquerai. Vous qui vous êtes donné à un dieu de souffrance, c'est un peu votre lot que vivre dans le tourment. Mais nous qui n'avons pas quitté le siècle, vous ne savez pas quelle condition nous est faite à cause de vous et des messieurs qui vous dirigent. Tout allait bien, tout se faisait avec rondeur et confiance, mais brusquement, le sourire s'éteint, la figure s'allonge, le ton se glace. L'affaire est manquée, la porte se referme, les accordailles sont défaites. Qu'y a-t-il ? Que s'est-il passé ? Que quelqu'un à votre nom a accolé le mot janséniste ? On ne sait pas si vraiment vous êtes janséniste. D'ailleurs, on ne sait pas très bien ce que c'est que l'être. Mais il suffit, le mot a été dit, vous voici parmi les galeux. Ayant tout juste droit à la toute petite place et à l'os qu'on jette sous la table, à l'écart, au rebut, courbant le dos, rasant le mur, comme un vaincu dans son pays occupé. Quant à nous, les filles de Port-Royal, on peut dire que mesure royale nous est faite. Nous sommes à la fois incomprises, à la mode et détestées. Signez, ma fille, signez ce formulaire qui nous mettra tous en paix. Obéissez à votre archevêque. Comment respire mieux quand on ne fait qu'obéir, comme la vie soudain devient facile? croyez-en un vieux soldat. Allons. Me le promettez-vous? Je me briserais devant Dieu et devant moi-même si je vous le promettais. Cependant, je tâcherai. Ce que je promets, c'est que... Eh bien, que chuchotez-vous là? Ne savez-vous pas qu'à la grille, il faut parler de telle sorte que la tierce s'entende et ne parlez pas par énigme? Qu'avez-vous dit? Je n'ai pas entendu. J'ai dit. J'ai dit. Parlez donc! Qui vous empêche de parler? Excusez-moi, mon père, je ne me sens pas bien. Nous reprendrons cet entretien une autre fois! Voilà ce qu'on fait d'elle! Voilà comme on les tourmente! N'est-ce pas une pitié? Excusez-nous, monsieur, mais je crois qu'il vaut mieux. Je prie Dieu, selon la coutume, qu'il me purifie de tout ce que j'ai entendu venant du monde extérieur et que je l'oublie. Je prie Dieu qu'il me purifie aussi de vous! Pourquoi m'avez-vous forcé à promettre? Pourquoi m'avez-vous forcé à mentir à mon père? Qu'ai-je fait? J'ai reposé ma tête sur le sein de mon ennemi. Je vous ai forcé à promettre et je suis votre ennemi. Qu'est-ce que ces extravagances? Je n'ai pas dit une parole autre que pour vous prier de parler haut, que je vous puisse entendre. Vous savez bien que je suis ici pour cela, que nos constitutions le commandent. C'est votre présence qui m'a fait parler contre ma pensée. C'est à cause de vous, fille de Port-Royal, notre ancienne, que j'ai parlé contre Port-Royal. Non! Je ne signerai pas un formulaire qui condamne toutes les idées sur lesquelles ce monastère a été réformé, c'est-à-dire en quelque sorte fondé. Ni notre mère Agnès ne veut qu'on le signe, qui est le reste vénéré du temps de Monsieur de Saint-Cyran, ni Monsieur Arnaud, que nous suivons en tout, ni ma sœur Angélique de Saint-Jean, qui est moins sa nièce que sa fille selon l'esprit. Ni notre mère Angélique la réformatrice, ni Monsieur de Saint-Cyran, notre directeur spirituel dans l'éternité, ne le voudrait s'il vivait encore. Peu importe ce que nous comprenons ou ne comprenons pas des propositions de Jansénius que le formulaire condamne. Peu importe si elles sont ou ne sont pas effectivement dans Jansénius, puisqu'on en discute. Le formulaire est dirigé contre tout ce que nous aimons. Et contre tous ceux que nous aimons, je ne le signerai jamais. Quand le pape... Le pape se me fort bien tromper, il est homme comme les autres. Je n'écouterai pas cela. Je n'écouterai pas cela. Une maison qui est l'honneur de la chrétienté et de la France et qui en est haïe. Mais c'est juste! C'est parce que notre maison est l'honneur de la chrétienté et de la France qu'elle en est haïe. C'est juste! C'est cela qu'il faut. Notre maison, l'honneur de la chrétienté et de la France. Bon, ma sœur, mais voilà des choses qu'il vaudrait mieux ne pas dire et peut-être même... Pourquoi ne pas le dire puisque cela est vrai? Saint Paul, ne prononce-t-il pas que vous avez le droit de vous louer quand on pousse trop loin le blâme contre vous? Il y a toujours un jugement secret que Dieu porte des choses et dont vous devez avoir peur. Oh, ma soeur, quel cauchemar! Ces hommes, ces femmes, ces enfants, des enfants, entrés à la chapelle et qui nous insultaient en frappant sur la grille pendant que nous terminions l'adoration. Ce sont eux qui sont l'enfer, mon Dieu, je puis dire à présent que j'ai vu l'enfer. Le faubourg Saint-Jacques n'a jamais été un endroit sûr. Et ce sont peut-être les mêmes enfants qui, lorsque notre mère Angélique fut morte, passaient à travers la même grille de petits morceaux de papier pour qu'on leur fît toucher son corps parce qu'ils n'avaient rien d'autre à donner. Voilà comme les temps se sont durcis. Mieux valent ceux qui nous insultent à la grille que ceux qui viennent ici plein d'onction. Et c'est pour faire des rapports. Ces bons ecclésiastiques, M. Bell, M. Chamillard, qu'on nous a commis pour directeurs après avoir chassé nos messieurs, qui viennent nous interroger chacune en particulier, avec à toutes la même question, pour savoir si nous pensons bien comme il faut. Car on nous a ôté nos conseils pour les affaires et nos conseils pour les consciences, et par une dérision affreuse, on nous a imposé pour conseil nos ennemis. Et le carrosse de ce matin, en a-t-on parlé au commissaire? Non, parce qu'on a pensé que les messieurs du carrosse étaient peut-être des messieurs de la police. Fit-on! Quand le lieutenant civil et le procureur du roi sont venus pour la première fois il y a 3 ans, à 6h30 du matin, ils ont pris soin de laisser leur carrosse loin dans le faubourg et de venir à pied afin de surprendre. Nos visiteurs d'aujourd'hui se sont contentés de faire sortir le portier en lui disant « Venez, monsieur le janséniste. Nous allons bientôt vous faire sortir tous de séant. Il n'en restera pas un. » J'envie ceux qui peuvent pratiquer la vie que notre Seigneur nous donne. Si on vous persécute dans une ville, fuyez dans une autre. Hélas, c'est ce que nous ne pouvons. Eh oui, À la première alerte, nos messieurs s'égaillent, se mettent à l'abri, d'où ils écrivent des pamphlets fort aigres, et nous, inertes et sans défense, nous n'avons qu'à attendre les coups qu'ils ont provoqués, faire nos processions avec les pieds nus et l'eau bénite. Voilà toutes nos armes. Ma sœur Flavie a raison. Mais je me demande quelle va être l'attitude de monsieur l'archevêque. Depuis 4 mois qu'il est nommé, la visite du légat, puis sa propre maladie, nous donne du répit. Il est venu lui-même nous faire passer un interrogatoire, mais je crois que depuis, on nous a oubliés. Pour moi, c'est mauvais signe quand les choses traînent. Cela veut dire que de l'autre côté, on y réfléchit beaucoup. Le formulaire n'est qu'un prétexte. Il y a 25 ans que monsieur le cardinal de Richelieu fit arrêter monsieur de Saint-Cyran, à ce moment-là, il n'était pas question de formulaire. Il y avait déjà un gouvernement où l'on ne voulait que des esclaves. Nous dénigrer, nous accuser, nous calomnier, nous mettre en prison, nous enlever nos novices, nos pensionnaires, nos postulantes et les enfants de nos écoles, en nous interdisant d'en recevoir d'autres. Tout avec un éclat et un scandale affreux. Et ce qu'on nous enlève n'est pas perdu pour tous. Quelles écoles ont reçu les enfants qu'on nous ôtait? Quelles communautés, les novices qu'on nous ôtait? Mais ici, pas un mot. Ce sont toujours ceux qui mènent tout, dont il ne faut pas prononcer le nom. Monsieur l'archevêque n'est pas méchant, on l'appelle le bonhomme périfixe. Mais ce n'en est que plus horrible. Si ce qu'on murmure est vrai... Qu'est-ce qu'on murmure? Il n'a obtenu l'archevêché que contre sa promesse de mettre à bas le port royal. Ma sœur, vous savez ce que l'on dit sur nous et ce qui en est vrai. Ne croyez donc pas aveuglément ce que l'on dit sur ceux que vous n'aimez point. Avez-vous remarqué que lorsqu'il est venu nous faire l'interrogatoire, ni au commencement, ni à la fin de l'exhortation, il n'a fait le signe de croix? La religion. Je ne sais ce qu'il y entend, ni s'il l'a apprise en étant précepteur du roi. On dit qu'il a des pensées sur le christianisme quand il sait... Quand il sait quoi? Quand il sait... un peu remonter. Ma sœur de Brégy dit qu'il fait des actions qui seraient plus convenables à un soldat qu'un archevêque de Paris et académicien, de surcroît. Ou à un maître d'hôtel, puisque son père était maître d'hôtel. Chez monsieur le cardinal de Richelieu. Sa mère, elle aussi, était chez monsieur le cardinal. Et il ressemble à monsieur le cardinal. C'est tout son portrait, on les croirait de la même famille. Et il suit la politique de monsieur le cardinal. Bon chien, chasse de race. Le jour de l'interrogatoire, il sortit à demi de la chaire en levant le bras, de sorte que je crus qu'il me voulait battre. Et en effet, il me donna un coup sur le bras en me disant « Il faut avouer que vous êtes bien entêté. » Oh, ma sœur, monsieur l'archevêque. Et son saignement de nez ce même jour-là, parce qu'il s'était trop emporté, saigné si fort du nez qu'il y en eut 5 serviettes trempées de sang. C'est vrai, ma sœur, pauvre monsieur l'archevêque. Mais ce qu'il lui fallut voir, c'est à l'assemblée en Sorbonne, quand il voulut sortir de colère et si impétueusement qu'il fit tomber tout son long, monsieur l'évêque de Chartres, sans parler de son propre bonnet. Eh bien, ma sœur, pour un archevêque. Au conseil du roi, en avril, les choses auraient été portées contre nous à la dernière extrémité si monsieur l'archevêque ne s'y était opposé avec beaucoup de force. Il a dit à monsieur Hermant, j'ai pour ces pauvres filles des entrailles de père. Je voudrais donner de mon sang pour les tirer de ce mauvais pas. Oh, bien justement, c'est le sang qu'il a donné par le nez. Ma sœur, voilà une inconvenance dont vous devrez vous accuser au chapitre. Il a dit aussi à monsieur Champagne, elles ont de puissants ennemis. Il me ferait passer pour janséniste si je parlais d'eux au roi. Ce qui confirme la parole que disait souvent monsieur de Saint-Cyran, que les faibles sont plus à craindre que les méchants. Quand je prononce les mots Rome et le Louvre, c'est comme si je prononçais la Bastille. Cela me donne le même frisson. Rome et le Louvre existent pendant que nous existons et Dieu se tait. Et il y a des ecclésiastiques qui vivent au Louvre ou dans ses ressorts et qui n'en souffrent pas, qui sont comme des poissons dans l'eau. Dieu se tait sur tout cela. Il le pèsera un jour et le distribuera à sa droite et à sa gauche. Il devrait y avoir un monastère où l'on ne fit que prier pour les faiblesses des religieux et des prêtres. On nous menace, on nous rassure, on nous élève, on nous abaisse, un jour l'un, un jour l'autre. Quelquefois l'un puis l'autre, dans le même entretien et quasi dans la même phrase. Ainsi faisait monsieur le cardinal de Richelieu, qui envoyait des émissaires à ses prisonniers pour leur faire luire qu'on allait les libérer à seule fin de leur donner de fausses espérances. Allez, monsieur l'archevêque ne vous fera point de mal. Le jour de l'interrogatoire, il me l'a promis à moi-même de sa très digne et sacrée bouche. Plaise à Dieu que tombe bientôt cette mauvaise fièvre qu'il a prise. Aujourd'hui finit notre neuvaine pour son rétablissement. Car nous prions pour monsieur l'archevêque. Comme nous prions jadis pour monsieur le cardinal, tandis qu'il tenait en prison monsieur de Saint-Cyran. Où la charité va-t-elle se nicher? Ici, ma sœur, comme il se doit. Lui a-t-on bien mandé au moins que nous faisions une neuvaine pour sa guérison? Moi, je crois que lorsqu'il ira mieux, nous devrions lui faire porter un panier de nos belles pêches, de celles que soigne si bien Monsieur d'Andilly. Notre mère Agnès l'approuverait sans doute, mais ma sœur Angélique de Saint. Certes, ma sœur Angélique peut avoir d'aventure un mouvement naturel, et si sa mine ne la fait pas paraître aussi humble qu'elle est à ceux qui ne la connaissent pas. Oh, ma sœur, je vois que vous êtes de ceux-là. Il y a longtemps, vous n'étiez pas encore au monastère, où pas une n'était plus liée avec ma sœur Angélique de Saint-Jean que feu ma sœur Pascale et moi. Je la connais donc fort bien. Il me semble parfois que la côté de sang qui est propre à M. Arnoux est passée davantage dans sa nièce Angélique que dans sa sœur Agnès ou dans son frère d'Andilly. Monsieur d'Andilly, mondain et dévot papillon de la cour au roi et les dervelles ici. La prise de tabac et la prise de voile, ce mélange ne me dit rien. Notre mère Agnès, c'est tout sucre, avec de petits filets de vinaigre. S'il n'y avait qu'elle, on ne s'entêterait pas tant dans la question du formulaire. Elle se garderait bien de vouloir dominer sur notre foi. Mais c'est ma sœur Angélique de Saint-Jean qui fait obstacle à tout. Qui fait obstacle? Qui nous maintient dans le droit chemin? Oui, oui, ma sœur, dites-le-lui encore comme vous l'avez fait l'autre jour. Attaquez ma sœur Angélique de Saint-Jean, qu'on s'y essaye donc. En mettant les mains aux côtés. Moi, ma sœur, j'ai mis les mains aux côtés. Est-ce que vous croyez que j'ai été élevée à la hâte? Oui, bien, ma sœur, vous les alignez comme je fais, et vous vous dressiez sur vos pieds. Je me dressais sur mes pieds. Et vous, ma sœur, quand vous me demandiez de m'accommoder un peu à monsieur l'archevêque, vous me pressiez si fort que vous avez mis les mains sur les miennes que j'avais dans mes manches. Moi, ma sœur, j'ai mis les mains dans vos manches? Comment entendez-vous cela? Voilà comme elle me parle à moi, son aînée de 7 ans dans la profession. Mais ici, avec moi, c'est toujours la même chose. Toujours ce manque d'égard. Oh. Je le sais bien que je suis mal notée. Là, ma pauvre sœur, ne vous ombragez pas comme cela. Chut. Ma sœur Angélique de Saint-Jean. Et vous, ma sœur, que pensez-vous du carrosse de ce matin et de ses occupants? Je pense que s'il annonce pour nous des choses graves, selon Dieu, nous n'avons qu'à nous en louer. Nous ne redoutons pas la persécution, nous l'espérons et l'attendons. Et selon la nature, on peut trembler sans être ébranlé, comme on peut souffrir sans être troublé. Quand il y a grand vent, l'arbre frémit dans tous ses feuillages, mais le tronc ne branche pas. Puis-je piner, ma sœur? Nos rapports avec Dieu sont faciles et doux. Nos rapports avec nos frères en la religion devraient être eux aussi faciles et doux. Mais ils sont affectés par un certain esprit pédantesque, qui, pour pouvoir s'exercer à son aise, crée partout des difficultés où il n'y en a pas. Enfin, il y a nos rapports avec la police. Je dis que nos rapports avec nos frères, les disputeurs et avec la police, nous prennent beaucoup d'un temps qui serait mieux employé à servir Dieu. Chaque fois que nous avons reçu une visite de la police, il y a eu un orage dans les 2 jours qui ont précédé. Les nuées vont de Paris à Rome et de Rome à Paris, mais c'est toujours sur Paris qu'elles éclatent. Aujourd'hui, ciel pur. Et quel soleil! Vous souvenez-vous, ma sœur? C'est ce mercredi saint de 1661 que se tint ce conseil du roi qui fut le commencement, ou plutôt la reprise de nos malheurs. Or, la nuit suivante, sans en rien savoir, sans connaître en nulle façon que nous étions menacés, ma sœur Marie-Claire vit en songe une nuée très obscure, et dans cette nuée, une bête épouvantable, d'une noirceur extraordinaire, qui prit sa course vers notre monastère avec d'horribles rugissements. Après avoir rugi sur notre monastère, le monstre se remit à courir de toute sa force vers le Louvre, où il redoubla ses rugissements. Et de là, reprit sa course tout en fureur vers notre monastère. Et notre sœur se réveilla, transie d'effroi. L'histoire de Port-Royal est un épisode de la lutte très ancienne de l'Esprit-Saint contre la bête. Eh bien, quelqu'une d'entre vous a-t-elle eu ces jours-ci de semblables songes? Ni orage, ni songe de nuée. Les hommes sont donc tranquilles. Mais s'il y avait des orages et des nuées, ils sont aussi de la pluie. Et la pluie défait la sécheresse. Et c'est la sécheresse qui est notre pire ennemi. Tout, plutôt que la sécheresse. N'oubliez jamais cela. Ma sœur, j'ai à vous dire quelque chose sur ma sœur Flavie. Vous ne savez pas tout. Sur ma sœur Flavie? Veuillez attendre un instant dans le couloir. Qu'y a-t-il? Parlez. Contrairement aux habitudes de toutes les communautés, ma sœur Françoise n'écoute pas aux portes. Eh bien, ma sœur Flavie... Oh non, ma sœur, je crois que je ne dois pas le dire. C'est si vilain de dénoncer. Si, dites-le, ma sœur, ça peut être d'importance. Ce matin, ma sœur Marguerite, qui avait la charge de cueillir les fruits, m'a assuré que ma sœur Flavie avait mangé au jardin, pour le moins, un demi-cent de grosses prunes, des impériales et des autres. Elle m'a dit encore que c'était par onction qu'elle ne disait que demi-cent, vu qu'elle estime qu'elle en a bien mangé un cent, ou à peu près. Pour moi, je ne pense pas qu'il soit jamais arrivé un tel dérèglement dans notre monastère. Allez en paix, ma sœur. Ma sœur Flavie a dû vouloir prendre médecine sans qu'il en coûtât rien à notre droguerie.